بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أمس دخلنا في الأصل الثاني من هذا الكتاب مما يتعلق بالشرع والقدر. كنا بدي القدر يعني أربع مراتب، ما هي؟ لكتخ العلم والكتابة، الكتابة، العلم والكتابة والمشية والخلق. نعم. ثم ذكرنا أن الناس أولاً كالله إلى في الأسباب دول كاتيجوري لقدرية وشرعية. قدرية ما يتعلق بقدر الله، والشرعية ما يتعلق ب يعني العبد فيما يطلب منه. Les choses qui lui sont attendues, les asbabs qui lui sont donnés pour pouvoir avoir la réussite, comme l'istikama, tawhid, awalan, l'islam, ghayr dhalika, thumma ta'a wa tark al-manhiyat. Après, dans les asbabs, on a dit que les gens étaient deux extrêmes et un juste milieu. Mahum, ceux qui donnaient aucune part aux asbabs. Ils disent que toutes les choses qui se font pour les asbabs, ils disent que c'est Allah qui fait. Et ils renient les asbabs. Naam. C'était la Sha'ara et Jahmiya. Aywa. Et les autres, c'était le contraire. Eux, ils sont tombés dans le shirk. Eux, ils ont dit que c'est que les asbabs. C'est grâce aux asbabs. C'est le asbab qui cause la chose. En lui-même. Elle a shirk akbar ou asghar? Regardez le kitab Tawhid. Normalement, tu devrais pouvoir répondre. T'as bien compris le zabit de Kitab Tawhid, tu devrais répondre à ça. C'est Akbar ou Asghar? Ils ont dit que la chose en elle-même. Ça, c'est du Akbar. C'est du Akbar. Ah, oui. C'est Rububiya. Taïeb, Noah, c'est l'Al-An. Donc maintenant, il va citer une choubahat que beaucoup de gens ont du fait que est-ce qu'on peut argumenter par le Qadar sur le fait de tomber dans les ma'asi? C'est-à-dire ce qadar. Et il faut savoir une chose, comme le natrul fiyad al-bab, anna min ma se outi min ajwiba, à la base, al-qadar, comme tu as min arkan al-iman, parmi les piliers de la foi. Et l'iman, ma hu, an tu'min bi, yani l'zabit, bil ashya lati la tu shahiduha. Les choses que tu ne vois pas, forcément, tu y crois. Ma yatalak bil ghayb, tu crois à ça. C'est-à-dire, il y a des choses, ton aql, tu sais qu'il est limité, il s'arrête. Le qadar, c'est le point le plus important. Que les gens ne se posent pas trop de questions. Ils s'arrêtent au texte. Car si tu veux trouver une réponse à chaque fois logique qui rentre dans ton moule, tu vas te perdre. Il y a un moment, il faut te dire, ça c'est une chose qui me dépasse, et j'y crois. Et ça, le mu'min, il y croit. Kullun amanna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. On y croit. Il faut savoir s'arrêter un moment dans les questions. Comme a dit Azawajel, lui n'est pas interrogé ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Donc là, Allah SWT, on connaît parmi ses sifat, ainsi que Hikmah, qu'il a mis toutes les choses à leur place. Donc après, et que, également, parmi ses sifat, Al-Adl, wa harrama la nafsi al-zulm, comme on l'a pris auparavant, qu'il a rendu une injustice interdite sur lui-même. Donc comment pourrait-il faire des choses après il sera injuste envers sa créature? Ce n'est pas possible. Donc déjà ces points-là, c'est parmi quoi? Les adillah, le muhkama, auquel tu reviens. C'est les choses, tu vois qu'il y a un tashabuh dans les adillah qui se rapportent au qadar, tu reviens à ces adillah-là qui vont te rassurer, inshallah ta'ala. Et sache qu'il y a des gens, tu pourras leur donner 10 000 réponses. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et t'en as, le peu, ils sont contents. Ils se rendent compte que c'est ça qu'il leur faut. Et après, tu as les bub de wasawis. Les insufflations de shaitan qui vient te dire « Et pourquoi Kaza ? Et pourquoi Kaza ? Non mais comment ça se fait alors Kaza ? Mais ça veut dire que Kaza ?» Et ainsi de suite. Et tu t'arrêtes pas. Et là, tu tombes dans les « Souezon min arzom mayakun » jusqu'à l'inhiraf. Donc il faut savoir s'arrêter un moment. Le qadar, sirullah. C'est le secret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, on n'arrive même pas à cerner des créatures qui sont en nous comme notre nefs. comment va-t-on aller se permettre d'essayer de comprendre des choses qui sont fil lawh al mahfouz min hikmatillah. Tayeb. Donc il dit la réponse à ceux qui prétendraient yani utiliser le qadar pour justifier leurs méfaits. Qu'il y a deux adilla min al-kitab wa sunnah wa an-nazar. أولاً أدلة من الكتاب قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا إلى ديكو الله سبحانه وتعالى dans le sens que ceux qui ont fait du shirk ils diront que si Allah avait voulu nous n'aurions pas fait de shirk ni nous ni nos pères. Et nous n'ayons pas rendu cela interdit. Surat al-An'am, verset 148. Et Allah a réfuté leurs prétentions par sa parole dans ce qu'il dit. Et c'est comme cela qu'on démentit ceux d'avant eux, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre châtiment. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau ça, que les gens disent cela. Si Allah il avait voulu, on n'aurait pas fait ceci, on n'aurait pas fait cela. Ou il a dit également, subhanahu wa ta'ala, Rusulan, Ubashirin, Wamunzirin, li'alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul. Qu'il a envoyé des messagers annonciateurs et avertisseurs pour qu'il n'y ait pas d'argument pour les gens sur Allah après l'envoi des messagers. Donc, ça veut dire que l'envoi des messagers était fait pourquoi ? Et comment est-il hujja ? Donc, après cela, il n'y a pas d'argument pour les gens. De dire non, c'est qadar et kaza et kaza. Et par rapport à la sunna, les adillah qu'il a cité, comme cela est venu dans le Sahihain, dans le hadith de Ali, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'uduhu. من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر للعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a aucun d'entre vous sans que son siège, sa place au feu et au djennas soit déjà écrite. Ils ont dit, ô messager d'Allah, alors est-ce que nous devons nous reposer sur notre livre, c'est-à-dire sur notre destin, et délaisser les œuvres ? Il a dit non, œuvrez, car chacun sera facilité, c'est pourquoi il a été créé. Aux gens du bonheur, ils seront facilités les actes du genre du bonheur, le sa'ada, et le jannah. Quant aux autres, les gens du malheur, c'est-à-dire les gens de l'enfer, ils seront facilités pour les choses qui amèneront à ce malheur. Après, il a resté les paroles d'Allah dans ce qu'il dit, que celui qui a donné, qui a cru, ou qui a craint plutôt, celui qui a donné et qui a craint, et qui a rendu véridique la promesse, lui sera facilité pour les choses de bien. Quant à celui qui aura été avare, et qui aura démenti la vraie promesse, alors il sera facilité pour les œuvres du mal. Surat al-Layl, versets 5 à 10. Donc ça, c'est Adillah qui te démontre que, quand même, l'irtijaj bi qadar, ma yukbal, c'est pas accepté. Après, les Adillah par rapport au nazar, que quelqu'un qui délaisse les wajibat et qui fait des muharramat, lui, à aucun moment, il ne ressent qu'il est contraint à faire cela. Et Kazalik, il ne sait pas qu'il est Muqaddar. Que ce qu'il fait là, Mathalen, que c'est ce qui lui est prêt. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui lui était destiné. Est-ce que c'est le Jannah ou le Nar ? Il ne le sait pas. Et quand il fait un acte, il sent tout à fait qu'il a le libre arbitre de ce qu'il fait. Il ne sent pas comme s'il était une marionnette, qu'il est contraint à faire des choses malgré lui. D'accord ? Et il ne sait pas ce qui lui était prédestiné. Il n'est pas au courant. C'est-à-dire les gens ne connaissent les choses qu'après qu'elles ne soient arrivées. Ils ne savent pas à l'avance. Donc comment peut-il prétendre que c'est le qadar qui l'a forcé à faire telle et telle chose ? C'est-à-dire il a fait une chose et avant qu'elle n'arrive, après tu as des asbeb qui te montrent que ce que tu vas faire là c'est un mal. Ce que tu vas faire là c'est un bien. Ou des fois tu ne sais pas. Donc tu fais quoi ? Istikhara, rele dhalika. Mais après que tu fasses des choses, muharrama, et tu dis que c'est parce qu'Allah il a qadar que je fasse le haram, tout en continuant ce mal, quand même, et en ne regrettant pas ce que tu as fait, ça c'est pas maqboul. Mafalen, on le dira à Tayyib. Il y en a, il dit, je ne suis pas salat. Pourquoi? Parce que Allah, il a qu'à d'autres, je ne suis pas salat. On dit, qui te dit qu'il n'a pas qu'à d'autres que tu la fasses? Fais-la. Et il dit que Allah, il a qu'à d'autres, je ne suis pas salat. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu vois ce côté-là et tu ne regardes pas l'autre? Là, il n'y a rien qui t'empêche de prendre la décision d'aller vers le masjid, de faire l'ozo et de faire la salat avec les gens. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tes shahawat qui t'en empêche. C'est tout. Sinon, il n'y a pas un mur devant toi, tu n'as pas quelqu'un qui te tient, tu n'as rien. C'est toi qui ne veux pas y aller. Il te dit, c'est quoi Allah? Allah, il ne veut pas que je fasse la salat. Il dit, Allah, il veut que tu fasses la salat. Il te l'a ordonné. Comment il ne voudrait pas que tu fasses la chose qu'il a ordonné? Donc, toi maintenant, viens avec nous, on veut se dire, fais l'ozo, fais la salat. Il va dire, ah non. Donc, c'est toi qui ne veux pas à ce moment-là. Il dit pas, c'est qadar. À ce moment-là. Tu n'as pas le droit d'utiliser le qadar comme hujja. Également, celui qui tombe dans le muharram, c'est quelqu'un qui est zalim bin nafsi. Il fait du zoom à lui-même. Comme quand Allah Azawajal, وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Dans plein de versets. Que nous n'avons pas été injustes envers eux, cependant ils ont été injustes envers eux-mêmes. Donc celui qui fait du mal à lui-même, il est injuste envers lui-même. On va prendre l'exemple. Celui qui fait du mal à lui-même, Bethalen, il ne fait pas la salat, sans excuse. Donc on lui dit, t'es zalim à la nafsik. T'es injuste envers toi-même, en faisant cela. Il ne va pas te dire non. Il va te dire, c'est vrai, je suis injuste, qu'Allah me pardonne, la kadha que je fais la salat. Toi tu viens, Bethalen, et tu lui prends ses biens. Tu lui prends son portable, Bethalen. Il va dire, qu'est-ce que tu fais? Je suis Allah, la kadha, je prends ton portable. Il va dire, non, si tu veux, t'es pas obligé de le faire. Et là, il va se mettre en colère. Tu dis donc, Allah se met pas en colère pour ce que tu fais toi là, le fait que tu laisses la salat. Pareil. C'est-à-dire, moi, tu n'acceptes pas que je prétexte le qadar pour te faire du mal à toi. Mais toi, tu viens de prendre le qadar comme prétexte pour te faire du mal à toi-même. Et dire qu'Allah, il va te pardonner, que c'est une chose que Allah est ta qadar. Donc, tu n'es pas injuste, là, encore une fois de plus. Donc, si jamais tu es équitable, si tu n'acceptes pas de moi que je te fasse du mal, et après, je dis c'est le qadar qui a voulu cela, ben toi, c'est pas envers ta personne. Ne te fais pas du mal à toi-même, après, tu prends le qadar comme excuse. C'est pas maqboul, ça. Elle est pour un India. Comme a déjà fait Afar, un Omar, radiallahu anhu, ma'rouf, qu'un homme avait volé. Et il allait se faire couper la main. Il a dit, ma saraktu, il est le qadar d'Allah. Je n'ai pas volé, ce n'est que parce qu'Allah l'a prédestiné. Enfin, Omar a dit, ma qatatu yadak, il est le qadar d'Allah. Je ne vais pas couper ta main, ce n'est qu'Allah l'a prédestiné. Kazalik. Il peut rien dire à ce moment-là. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils prétextent des choses, tu peux leur répondre. Ils n'auront pas de réponse après. L'exemple qui donne également le shir de quelqu'un qui partira en voyage. Il a le choix entre deux pays. Un pays de bien, un pays de mal. Un pays dans lequel il y a sécurité, dans lequel il y a la paisibilité, il n'y a pas de peur, et réel les alikas. Un pays où il n'y a que du mal. La peur, le meurtre, l'injustice, réel les alikas. Qu'est-ce qu'il va choisir? Le Aqil. Il va choisir le mieux. Donc on dit aux gens pareil. Si jamais demain, il va dans le pays où il n'y a que du mal, et il lui arrive que des calamités là-bas. Il se fait voler, il se fait braquer, il se fait agresser, il se fait insulter par les gens. Vous voyez, les gens vont dire, pourquoi t'es parti là-bas? Tu savais que ce pays-là, c'est un pays de mal. Parce qu'il va dire, c'est le qadar. On va dire, non, c'est toi qui étais là-bas, et on va te blâmer pour avoir été là-bas. De ton propre choix. Hein? Ton propre choix. Par contre, là, c'est une chouette que les gens pourraient avoir. Fais qu'Allah Azza wa Jal. Ittabi' mawhiya ilayka min rabbik, la ilaha illahu, wa a'rid anil mushrikin. Wa law sha'a Allah ma ashrakuh. Dans les an'am. Que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, et suis ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et détourne-toi des mouchirikines. Que si Allah avait voulu, il n'aurait pas fait de shirk. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que les gens ont fait du shirk par sa mashi'a. Donc c'est quoi la réponse à cela? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela à son messager pour qu'il se console, qu'il se rassure. C'est-à-dire que toi tu as fait l'asbeb, s'ils sont dans le shirk, c'est pas de ta faute à toi. D'accord? Toi, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Après, Allah, il te dit que lui, de sa machia, il se remet dans le shirk parce que lui, il a voulu tomber dans le shirk. Donc, toi, par rapport à ça, rassure-toi. Mais eux, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils n'auront pas d'excuses. Donc, ça, en fait, c'est pour. Comme demain, tu appelles un kafir à l'islam. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Comme il l'a fait le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avec son oncle. Abu Talib. Toi, tu fais ça avec tes parents sur les coups francs, par exemple, tu l'appelles, il n'accepte pas. On va dire quoi? Ça veut dire quoi ton excuse? Que Allah, il n'a pas voulu que tu sois guidé. Ça? C'est-à-dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et Allah n'a pas voulu que tu sois guidé. Donc, tu vas être quoi? Tu vas dire, c'est pas de ma faute. Donc, là, à ce moment-là, tu vas dire, c'est le qadar. Mais eux, au moment où ils sont dans leur mal, ils n'ont pas le droit de dire cela parce qu'eux, ils ont le libre arbitre de pouvoir choisir autre chose. Ils ont le libre arbitre. Donc, c'est comme ça qu'on joue entre les versets. Toi, tu peux dire cela à quelqu'un pour consoler parce qu'il a fait un bien et qu'il n'est pas parvenu. Par contre, eux, on leur dira non. Vous, vous n'avez pas le droit, ce que vous ne saviez pas, ce que vous êtes prédestiné à vous. Le qadar ce que vous avez été écrit, votre maktoub, vous ne le connaissez pas. Vous avez devant vous le choix entre le bien et le mal. Vous avez choisi délibérément le mal. Donc, on peut vous blâmer pour cela. Et vous persister dessus. Fahimt? Avaou. Après, si tu as une autre ambiguïté présente chez des gens, qui est le hadith Thabit fi Sahihain, selon Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتج آدم وموسى وفي اللفظ تحاج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى استفاك الله بكلامي وخط لك التورة بيدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثة وعند أحمد فحجه آدم أي غربه في الحجة. Que Moussa et Adam ont eu un débat. Et que Moussa, il a dit à Adam, « Oh Adam, tu es notre père et tu nous as sortis du Jannah. » Et que Adam lui a dit, « Toi, tu es Moussa, que Allah a élevé par sa parole. » Il t'a élevé aussi des gens par sa parole. Et qu'il écrit pour toi la Torah de sa main. « Vas-tu me reprocher une chose que Allah m'a prédestiné 40 ans avant qu'il ne me crée ?» Et là, on va dire, الجواب على هذا من وجهين أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة. Donc là, Adam servit du qadar. Pourquoi? Pour la musiba qui lui est arrivée, qui était le fait qu'il était sorti du Jannah, lui et sa femme. Car Moussa alayhi salam est bien plus élevé, d'accord, et bien plus savant et respectueux que du fait de blâmer Adam sur une chose qui sait que c'est le qadar et qu'une chose dont Adam a déjà fait tawbah. Quand même, mais cependant, en fait, ce qu'il y a eu, c'est le kalam sur la moussiba en soi, pas le fait que Adam ait fait cela. En fait, c'est le fait qu'il a sorti du Jannah et non pas le fait que Adam a fait la marcia vers l'arbre interdit. C'est-à-dire que maintenant, de là tu comprends quoi? Que lorsque tu as fait une erreur, tu as fait tawbah, tu as regretté. Laka ba'da zalika an tahtaj bi qadar. Demain tu as fait une faute, tu as fait un péché. D'accord? Mathalen, un jour tu as eu un moment de faiblesse, Mathalen, et t'as bu un verre d'alcool. Voilà. Après, t'as regretté grave. T'as fait tawba. Une vraie tawba. Sincère. Et quelqu'un a su que tu as bu de l'alcool. Quelqu'un est témoin. Et un jour, t'as un litige avec lui. Après, tu dis, sans toi, t'as bu de l'alcool. Tu dis, Harry, c'est quoi dans la mâche à faire elle, ce qui s'est passé? Pourquoi? T'as le droit de dire cela. Car c'est une chose, t'as déjà fait tawba, t'as regretté. Mais par contre, si demain, tu es quelqu'un qui boit de l'alcool, bilistimrar, t'es un khammar, tu vois comme on dit, t'es un ivrogne, un alcoolique, tu bois de l'alcool, t'es un mousse, mais je parle. Hein. Quelqu'un te dit, toi, tu bois de l'alcool, tu dis, code de la machin pareil, ça, t'as pas le droit. Parce que toi, à ce moment-là, t'es moustamir sur la chose. Tu n'as pas arrêté. Donc, la personne peut te blâmer pour cela. Et toi, tu n'as pas le droit de dire, c'est tout ce qu'on a de la code d'or. On dit, non, arrête, fais tawba, et taqillah fi nafsik, à ce moment-là. Et après, s'il fait une vraie tawba, toute sa période d'alcoolémie, par la suite, si quelqu'un dit de toute façon, toi, tu es alcoolique, il dit, ouais, c'est une chose que là, le qadar, c'est moi. Là, il peut après. Mais au moment où il fait l'acte, il est moustamir alayhi, azama yajuz. Donc là, ça, c'est la deuxième réponse. Que tu peux faire tijesh bil qadar après une faute commise et que tu aies fait tauba. Tu as le droit. C'est comme l'a fait Adam alayhi salam. C'est ça qu'il a fait. Fahimt? Est-ce que Moussa a fait comme Kalem, c'est par rapport à la Moussiba. Et pas par rapport à l'acte que Adam il a fait, qui est le fait d'avoir été vers l'arbre interdit. D'avoir mangé de l'arbre interdit. Zakara misalan akhar fi hada, qui ressemble, c'est quelqu'un misalan qui part faire un voyage. Et dans lequel il lui arrive un accident lors de ce voyage. Un voyage qu'on lui dit, fais pas ce voyage-là. Il le fait quand même. Et lors du voyage, il lui arrive un accident. Voyez, lui, est-ce qu'il a voulu l'accident? Non. Il n'a pas voulu l'accident. C'est comme si demain quelqu'un, il te dit, Mathalène, après qu'il a eu l'accident, mais pourquoi tu as voyagé à la base? Tu vois, il dit, je savais pas que j'ai fait l'accident. Et maintenant, le voyage en lui-même, c'était une marcia, ça. Mais l'accident n'est pas lié à la marcia en soi, directement, forcément. Fahimt? Quand dans la machafa'al, l'accident. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait une faute en ayant fait ce voyage-là, mais l'accident en soi, qui est dans son voyage qui était interdit, j'ai pas fait les causes pour faire un accident, moi. J'ai fait un voyage qui n'était pas permis pour telle et telle chose, mais j'ai pas fait les causes. Par exemple, c'est pas comme s'il avait conduit vite, à contresens, ou dans le noir, sans phare, ou sans frein. Il a fait toutes les causes, mais il a fait un voyage qui, à la base, était interdit. Après, quand dans le machafa'al, hadith. Fahim ta'ada? Tayyib. Donc ça, c'est ce qu'il a cité. Tout comme il cita par la suite, pour finir, le hadith où Ali radiallahu anhu et Fatima, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient visité de nuit alors qu'ils dormaient. Ils étaient trouvés en train de dormir. Faqala, Allah tusalliyan dans le hadith. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ali? Que nos âmes ne sont pas entre nos mains. Dans le sens, nous dormions. Fahimt? Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et en fait, en réalité, Ali, à ce moment-là, n'a pas eu tort. Faire comprendre qu'on dormait, c'est une chose qui n'était pas de notre gré. Dans le sens, il est irtajab ibn azab al-qadar. Que Allah n'a pas voulu qu'on se fasse salat. Il n'a pas reproché, il leur a dit, pourquoi ne faites pas salat? Il a dit, on dormait. Azahou. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais Ali, c'était celui du Qadar qu'il avait fait une faute, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait recouru direct. Automatiquement. Chose qui n'était pas le cas. Naam. Donc, hadha alladhi akhadna al-yawm, comme réponse à ceux qui se servent du Qadar pour prétexter leur faute et leur mukharafa. Mafhoum hadha? Tayyib. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.